Les bonnes choses ont toujours une fin. Et il est bien tard. Les lumières vont s'éteindre, les décibels vont se calmer. Il est temps d'aller faire dormir vos tympans. Merci de nous avoir rendu visite. Et rendez-vous le plus tôt possible à l'écoute de la meilleure musique. The best music. Grosse bise à toutes et à tous sur le bout du nez. Salut, salut, salut, salut, salut.